Rendez-vous avec X, Patrick Pénaud. L'année sera tricolore, centenaire de la Grande Guerre oblige. Et déjà, les rayons de nos librairies croulent sous le poids des livres consacrés à cette commémoration. Mais si c'était aussi l'occasion de se débarrasser de quelques idées reçues sur ce premier conflit mondial de l'histoire, ou, à tout le moins, de revenir au plus près de la vérité, quitte à déboulonner quelques prestigieuses statues. Monsieur X, qui n'aime rien tant que fouiller dans les archives, s'y est essayé. Comme il avait déjà, il y a plusieurs années, exhumé des documents embarrassants ou troublants, lors de la célébration du 90e anniversaire de la bataille de Verdun, une bataille de 300 jours qui a été, selon les spécialistes, la première bataille industrielle de l'histoire et où ont péri 300 000 soldats dans chaque camp, 2 000 par jour. Mais M. X le soulignait alors, ce long affrontement présenté comme une victoire française est devenu le symbole de la Grande Guerre, ne servira de rien. Les Allemands, initiateurs de l'offensive en février 1916, sont purement et simplement reconduits sur leurs positions initiales en décembre 1916. Mon interlocuteur mettait aussi en cause les erreurs du commandement et surtout celles commises par le généralissime Joseph Joffre. Il y reviendra. Cependant, si M. X a choisi aussi d'évoquer la guerre de 14-18, c'est qu'il a visité en avant-première une exposition particulièrement décapante. Un pigeon s'est posé sur l'épaule galonnée du maréchal de France et il a décoré la statue dressée d'une gastrique offense. Maréchaux assassins, sur vos bustes d'airain, vos poitrines superbes, vos médailles ne sont que fientes de pigeons de la merde. Un enfant est venu au pied de la statue du maréchal de France. Une envie naturelle l'a fait pisser contre elle, mais en toute innocence. Maréchaux assassin, le môme, mine de rien, a joliment vengé. Les enfants et les mères que dans vos sales guerres vous avez massacrés. Un clodo s'est couché une nuit juste au pied du maréchal de France. Ivre mort au matin, il a vomi son vin dans une gerbe immense. Maréchaux assassin, vous ne méritez rien de mieux pour vos méfaits que cet hommage immonde pour tout le sang du monde par vos sabres versés. Un couple d'amoureux s'embrasse sous les yeux du maréchal de France. Muet comme un vieux bonze, il restera de bronze, raide comme une lance. Maréchaux assassin, l'amour ne vous dit rien, à part bien sûr celui de la patrie, hélas, cette idée dégueulasse qu'à mon tour je conchis. Rendez-vous avec X. Un mot d'abord sur cette exposition qui vous a frappé. Et qui a même ébranlé quelques-unes de mes certitudes. Eh bien, vous pourrez la visiter très bientôt au musée des lettres et des manuscrits à Paris. Il s'agit donc d'une exposition de documents. Hein. Dont certains n'avaient jamais été présentés au public. Alors, celui qui vous a le plus impressionné? Ah ben, il y en a beaucoup. Mais tenez, vous connaissez bien sûr cette affiche appelant à la mobilisation des Français et qui a été collée sur les murs le dimanche 2 août 1914. Mm-hmm. N'est pas inintéressant d'apprendre qu'elle a été imprimée 10 ans plus tôt. Alors, en 1904, On se préparait déjà à entrer en guerre. C'est ce que je voulais souligner. Par conséquent, il se trouvait déjà au gouvernement des hommes qui pensaient que la guerre avec l'Allemagne était à terme inévitable. Mais je pense qu'on en reparlera. Cependant, pour commencer, j'évoquerai d'abord cette mobilisation d'août 1914. Les états-majors sont alors très pessimistes. Et pourquoi ? Parce qu'ils sous-estiment le patriotisme des recrues. Ces grands chefs militaires pensent alors que parmi les mobilisés, il faudra compter 12% de déserteurs ou simplement de jeunes hommes qui ne se présenteront pas dans les centres de recrutement. 12%, c'est énorme. Et ça montre que ces officiers supérieurs connaissent bien mal leurs concitoyens. Parce que quel sera le vrai chiffre alors ? Tout juste 1%. Cette méfiance irraisonnée qui traduit une réelle peur du peuple va entraîner de terribles conséquences. Mais expliquez alors. Ces soldats qu'on devine si peu motivés, il faut les briser et même les terroriser pour leur enseigner la discipline. Les terroriser, vous exagérez, non ? Pas du tout. Dès cet été 1914, sont créés, à l'initiative du généralissime Joffre, des cours martiales. Et on va inventer de toutes pièces des cas d'indiscipline, comme de prétendus abandons de postes qui seront sévèrement châtiés. C'est-à-dire alors ? On fusille. Des innocents, donc ? Parfaitement. Au cours de l'année 1914, il y aura plus de fusillés pour l'exemple, comme on dit, que lors des mutineries de 1917. Et si vous ne me croyez pas, voici la terrible histoire des poilus de Vingré. Vingré est une petite commune de l'Aisne qui se trouvait en novembre 14 sur la ligne de front. À la fin du mois, après une préparation d'artillerie allemande, comme on disait alors, la tranchée où se trouvait une demi-section du 298e régiment d'infanterie s'écroule. Et aussitôt après, l'ennemi attaque. Quelques soldats sont faits prisonniers et les autres, une vingtaine, se replient sur ordre de leur sous-lieutenant. Jusque-là, rien d'anormal. D'autant que ces braves ne tardent pas à reconquérir leur position. Il n'empêche, après une enquête sommaire, ces poilus sont convaincus d'abandon de poste devant l'ennemi. Et pourtant, s'ils ont reculé, c'est sur ordre. Oui, mais leur sous-lieutenant, qui était alors un triste sire, a ensuite nié avoir donné l'ordre du repli. Quoi, pour ne pas assumer sa propre responsabilité. Bien entendu. Résultat, ces soldats sont aussitôt traduits devant un conseil de guerre spécial. Et selon les directives données par le général de division Étienne de Villaret, il faut sévir afin que les combattants retrouvent, je cite, « le goût de l'obéissance ». Admirable formule. Oui, et tout aussi tragique. Parmi cette vingtaine de poilus, 6 sont tirés au sort et immédiatement fusillés. Pour l'exemple, donc. Exactement. Alors la suite, puisque cette histoire vous intéresse, après la guerre, les familles de ces malheureux qui ont, elles aussi, souffert puisque leurs parents avaient été fusillés en raison de leur lâcheté. Et le déshonneur. Quoi, et le dénuement, car les épouses n'ont pas eu droit à une pension de veuve de guerre. Donc, les familles ont tout fait pour obtenir la réhabilitation de ces innocents. Et elles ont fini par obtenir satisfaction. Le procès a été révisé et le sous-lieutenant a été poursuivi pour faux témoignage. Mais, en l'absence de preuves, il a été acquitté. Quant au général de Villaret et aux officiers du conseil de guerre accusé de forfaiture par le frère de l'un des fusillés, ils n'ont pas été jugés. Ouais, mais les 6 condamnés à mort, eux, ont donc quand même été réhabilités. Oui, en tout cas, vous constatez que lorsque je parlais de terreur, je n'exagérais pas, tant le commandement était persuadé que seules les menaces et la peur qu'elles engendraient seraient garantes de la discipline. On pourrait aussi évoquer une autre affaire tout aussi révoltante, celle du lieutenant Erdouin. Je vous écoute, je crois connaître, mais allez-y. Erdouin était un homme particulièrement courageux et un patriote convaincu. En témoigne ce détail. Lorsque survient l'ordre de mobilisation générale, Henri Erdouin, adjudant dans l'infanterie coloniale, est hospitalisé à Sedan où il est soigné pour une jambe cassée. Il se débrouille toutefois pour rejoindre par ses propres moyens son bureau de recrutement à Reims. Combattant exemplaire, il gagne rapidement ses galons d'officier et se voit décerner la médaille militaire. Mais son destin va se jouer devant Douaumont. En 1916. Douaumont qui se situe à côté de Verdun et où se trouve le fameux ossuaire. Oui, Erdouin est donc au cœur de cette gigantesque bataille. En juin, le bataillon dont fait partie sa compagnie reçoit l'ordre d'attaquer le fort de Douaumont. Mais les forces allemandes sont supérieures en nombre. Le bataillon français est bientôt encerclé et ses hommes sont faits prisonniers, à l'exception de 2 lieutenants et d'une 40aine de soldats. Et l'un de ses lieutenants est Henri Erdouin. En effet, l'autre s'appelle Pierre Millan. Un bataillon presque tout entier fait prisonnier, c'est inouï, non ? L'offensive a été mal préparée. C'est évident, le commandement a failli. Mais dans l'armée, les chefs ne peuvent avoir tort. Donc, il faudra trouver des boucs émissaires. Alors, je poursuis. Les deux lieutenants arrivent à guider les rescapés jusqu'aux lignes françaises. Ils sont donc sauvés. Certes, et grâce à ces deux officiers dont le seul tort a été de ne pas accepter de se faire prendre par l'ennemi. Mais dès leur retour, leur supérieur, le colonel Bernard, les accuse d'avoir abandonné la lutte et d'avoir quitté le champ de bataille sans en avoir reçu l'ordre. Ouais. Et lui, au fait, ce Bernard, là, où se trouvait-il ? Derrière, bien à l'abri. Quoi qu'il en soit, ce colonel décide immédiatement de faire fusiller les deux lieutenants. Il en réfère seulement à son propre supérieur, le général Boyer, qui lui donne son accord. Et Erdouin et Milan ont été effectivement fusillés ? Sur le champ, oui. Et en toute illégalité, puisqu'il n'y a eu aucun procès. J'ajoute ce détail atroce. Le peloton d'exécution a été constitué parmi ces soldats que les deux lieutenants avaient réussi à sauver. Et Erdouin, qui était un type crâne, a commandé lui-même le feu. Et donc sa mort. Et plus tard, comme dans le cas des martyrs de Vingré, les deux lieutenants ont été réhabilités à titre posthume, en dépit du fait que leurs dossiers ont été caviardés par la hiérarchie militaire lorsque l'affaire a commencé à faire grand bruit, après la guerre. Erdouin n'est donc plus un lâche, mais un héros, ce qu'il était véritablement. Et je crois même qu'une rue de Reims, sa ville natale, porte aujourd'hui son nom. On est quand même confondu par autant d'imbécilité criminelle. Et ça ne s'explique que par ce que je vous disais au début de cet entretien. Les officiers supérieurs n'avaient pas confiance en leurs soldats. Et ça a été particulièrement le cas à la fin de l'année 1914. Ah oui, vous voulez parler des actes de fraternisation entre les poilus des deux camps. Oui, des soldats là de la guerre qui soudain réalisaient qu'ils n'avaient rien contre les occupants de la tranchée d'en face. Et qui partageaient les mêmes misères. Alors à l'approche de Noël, on a vu des soldats ennemis s'aventurer sur le no man's land entre les tranchées. On s'est serré la main, on a échangé des cigarettes ou des victuailles et pour tout dire, on a fraternisé. Pour les généraux, c'était l'horreur, le mal absolu. Ah oui, parce que si l'adversaire n'était plus diabolisé, il n'y avait plus de guerre possible. Exactement. Les réactions de l'état-major ont donc été extrêmement fermes et les fraternisations ont été sévèrement réprimées. Depuis que l'homme écrit l'histoire, depuis qu'il bataille à cœur joie, entre mille et une guerre notoire, si j'étais tenu de faire un choix, à l'encontre du vieil Homère, je déclarerai tout de suite, moi mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Moi mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Est-ce à dire que je méprise les nobles guerres de jadis, que je me soucie comme d'une cerise de celle de 70? Au contraire, je la révère et lui donne un satisfait. Mais mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Mais mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Je sais que les guerriers de Sparte plantaient pas leurs épées dans l'eau, que les grognards de Bonaparte tiraient pas leur poudre aux moineaux. Leurs faits d'armes sont légendaires, au garde à vous je les félicite. Mais mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Mais mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Bien sûr, celle de l'an 40 ne m'a pas tout à fait déçu. Elle fut longue et massacrante, et je ne crache pas dessus. Mais à mon sens, elle ne vaut guère, guère plus qu'un premier accessite. Moi, mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Moi, mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Mon but n'est pas de chercher noise aux guérillas, non fichtre non. Guerre sainte, guerre sournoise, qui n'osent pas dire leur nom. Chacune a quelque chose pour plaire, chacune a son petit mérite. Mais mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Mais mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Du fond de son sac à malice, Mars va sans doute à l'occasion en sortir une vraie délice qui me fera grosse impression. En attendant, je persévère à dire que ma guerre favorite, celle mon colon que je voudrais faire, c'est la guerre de 14-18. Celle mon colon que je voudrais faire, c'est la guerre de 14-18. Retour sur l'affaire Erdouin et ses conséquences. Voici ce que je lis dans un article de Libération signé par Gilles Manseron et publié en août 2008. Au début de la guerre, le 6 septembre 1914, à la demande de Joffre, commandant en chef des armées du Nord-Est, avaient été créées les cours martiales, composées de 3 juges militaires placés sous l'autorité de leur hiérarchie. Elles ne prenaient en compte aucune circonstance atténuante. Leurs décisions étaient immédiatement exécutées, sans possibilité d'appel ou de grâce. Ces tribunaux militaires spéciaux, souvent directement aux ordres des commandants d'unités, avaient conduit à des centaines de mises à mort expéditives et avaient suscité de nombreuses protestations. Grâce aux efforts déployés pour dénoncer leurs décisions arbitraires, ces cours martiales venaient d'être supprimées quand est intervenue l'affaire Erduin-Millan. Une loi avait été votée le 17 avril 1916 au grand mécontentement du haut commandement qui considérait ces cours martiales comme un instrument indispensable au maintien de la discipline et elle avait été suivie le 29 avril 1916 d'une circulaire du ministère de la guerre qui avait attiré l'attention du commandement sur cette suppression. Une sorte de bras de fer opposait alors le pouvoir civil à l'autorité militaire. Pour bien comprendre les errements du commandement et leurs funestes conséquences, il faut se reporter aux idées qui sous-tendaient les stratèges de l'époque, au moins du côté français. Ce qui domine alors, c'est la conception de l'offensive à outrance, une stratégie qui fait fi de la vie humaine des fantassins. Le soldat n'étant somme toute que de la chair à canon. Ou la crainte que ces hommes de troupes ne se rebellent. Ouais. Et cette discipline a forcené pour les obliger à marcher coûte que coûte. Alors si, une fois de plus, vous pensez que j'exagère, je vous propose de revenir au texte, c'est-à-dire au règlement qui a été rédigé par Joffre et ses officiers. Joffre qui, lorsque la guerre éclate, occupe les plus hautes fonctions au sein de l'armée. Alors que cet officier du génie n'a aucune véritable expérience de la guerre. Ah oui, alors, en un mot, pourquoi est-il arrivé là? Ah ben, il a été choisi par défaut. Je vous explique, rapidement. En 1911, le gouvernement décide de remplacer le chef de l'état-major, celui qui occupe alors le poste, le général Michel, est jugé trop indécis et manquant d'autorité. Un seul membre du Conseil supérieur de la guerre pourrait s'imposer, Gallieni. Mais il a la réputation d'une solide tête de cochon. N'importe comment, arguant de sa mauvaise santé, Gallieni refuse le poste. Et puis c'est vrai qu'il est mort peu après, au cours de la guerre. En 1916, oui. Un autre pourrait postuler, le général Castelnau. Mais ce farouche catholique est considéré, ce sont les mots de Clémenceau, comme un général de jésuitière. Ouais. Donc pas question que la très laïque Troisième République lui confie notre armée. Et c'est ainsi qu'on se rabat sur Joffre qui a bâti sa légende sur un fait d'armes douteux à Tombouctou. Enfin, passons. Alors cette stratégie de l'offensive à outrance. Les textes rédigés avant la guerre sont éloquents. Celui-ci, par exemple. Je résume, bien sûr. Pour vaincre, il faut rompre le dispositif de combat de l'adversaire. Une rupture qui exige des attaques poussées jusqu'au bout au prix de sacrifices sanglants. Ah bah ça, c'est très explicite. Et que penser de cet autre extrait? L'attaque est toujours menée avec la résolution d'aborder l'ennemi à l'arme blanche et de le détruire. À l'arme blanche et... À l'heure des mitrailleuses. Oui, on a en effet l'impression que ces grands chefs se sont trompés de guerre. Confirmation avec ce troisième texte. C'est avec la baïonnette que l'infanterie brise la dernière résistance de l'ennemi. L'assaut, c'est-à-dire l'abordage à l'arme blanche, peut seul dénouer la crise. Et c'est donc alors ce règlement-là qui va s'imposer au poilu. Résultat, dès le début de la Grande Guerre, on assiste à de véritables massacres. Pour le seul premier mois de guerre, en août 14 donc, 370 000 soldats français sont tués, mis hors de combat ou faits prisonniers. Ouais, une véritable hécatombe. Parce que, alors que l'artillerie va jouer le rôle que vous savez tout au long de la Grande Guerre, et en particulier ces monstrueux canons fabriqués par les usines Krupp, Joffre, lui, considère que l'artillerie est une arme secondaire, subordonnée à l'infanterie. Mais les Français disposent quand même de canons. Ah, certes. Les régiments sont dotés du canon de 75, réputé être le plus performant du monde. Mais il n'est pas question de s'encombrer d'artillerie lourde. Pourquoi? Mais parce qu'elle ne ferait que retarder la guerre de mouvement que l'état-major préconise. Oui, c'est toujours la mystique de l'offensive. Plus grave encore. La préparation d'artillerie, avant toute intervention de l'infanterie, n'est plus jugée nécessaire. Ça mérite une explication, ça. Bah, Joffre et les siens estiment que l'artillerie est impuissante à débusquer un ennemi bien abrité. Par conséquent, pour le forcer à se découvrir, il faut envoyer les fantassins, nos vaillants soldats, avec leurs trop célèbres pantalons rouges, qui les rendent visibles à des centaines de mètres. C'est ainsi que les premiers engagements de nos militaires se terminent presque tous en catastrophe. Des exemples ? Joffre fait attaquer en Alsace dès les premiers jours de la guerre. Mulhouse est prise. Mais le lendemain, elle repasse aux mains des Allemands. Nouvelle offensive française. Mais elle est inutile car elle tombe dans un cul-de-sac. L'adversaire a si bien fortifié la région que toute nouvelle avancée est impossible, puisque l'armée ne dispose pas d'artillerie lourde. Il faudrait aussi parler du terrible désastre de Morhange et Sarrebourg. Que s'est-il passé ? Joffre donne l'ordre d'attaquer sur tout le front lorrain. Il y a deux couloirs possibles. Un général, serré de rivière, après avoir étudié le relief, avait préconisé d'attendre l'ennemi. Il n'est pas écouté. Les fantassins s'engagent dans ces pièges, baïonnettes au canon. Et aussitôt, des hauteurs, une pluie d'obus et des tirs de mitrailleuses fouchent les pantalons rouges. Oui, c'est un massacre inutile. Et stupide, car il faut bientôt sonner la retraite, tandis que les Allemands passent à la contre-offensive. Ils ne s'arrêteront, je vous le rappelle, que sur les rives de la Marne. Oui, et on craindra pour Paris. À tel point que le gouvernement s'enfuira à Bordeaux courageusement. Mais heureusement, l'armée se reprendra. L'ennemi sera fixé sur la Marne et la capitale sera sauvée. En particulier grâce au renfort que le général Gallieni, gouverneur militaire de Paris, enverra sur le front. Un succès qui horripilera Joffre, qui fera ensuite tout ce qui est en son pouvoir pour marginaliser son rival et s'attribuer le mérite de la victoire. Bon, n'insiste pas, mais la haine que se vouent les généraux et la jalousie qu'elle entraîne joueront un rôle néfaste tout au long du conflit. Au moins jusqu'à l'arrivée de Clémenceau aux affaires. Oui, ce sont les poilus qui paieront le prix fort de ces querelles picrocollines. Hein. Malheureusement, oui. Et ces rivalités ont pesé encore plus que l'incompétence de certains de ces chefs lors de coûteuses prises de décision. Coûteuses en vie humaine. Ah oui. Mais vous l'avez déjà compris, c'est une donnée qui n'est guère prise en compte par quelques-uns de ces officiers supérieurs prêts à faire tuer leurs poilus pour obtenir un galon ou une breloque supplémentaire. Pendant, il faut souligner, ce n'est pas une excuse, que beaucoup de ces chefs militaires de 14-18 ont bâti leur carrière dans les colonies. Ouais, où la vie humaine est peu de chose. Hein. Mais ces conquérants qui ont permis à la France de se constituer un formidable empire en peu d'années jouissent d'un incontestable prestige. Joffre, par exemple. Ouais. Celui-là, décidément, vous ne l'aimez guère. Hein. Ce que je pense n'a guère d'importance, il faut seulement s'en tenir aux faits. Or, il faut bien constater que le généralissime a abusé de son autorité et s'est même conduit en despote, en dépit des erreurs qu'il a commises. Mais enfin, n'y revenons pas. Despote, le mot est quand même fort, non ? Bah, il correspond quand même à la réalité, jusqu'au jour où, en décembre 1916, on lui donnera un bâton de maréchal, afin qu'il range son sabre de bois. Joffre a exercé un pouvoir absolu. Sur l'armée ? Ah, pas seulement, sur le pouvoir politique aussi. Songez qu'il s'est opposé, par exemple, à toutes les missions parlementaires dans les armées. C'est lui aussi qui a verrouillé l'information, interdit aux préfets des zones de guerre de communiquer directement avec leur vrai patron, c'est-à-dire le ministre de l'Intérieur. Pire, il a minimisé parfois la réalité des pertes et bien sûr ses propres échecs. Ou bien, pour dégager sa propre responsabilité, il s'est trouvé des boucs émissaires. C'est particulièrement évident lorsque sa stratégie d'offensive à outrance tourne au fiasco. Et quel bouc émissaire ? Les poilus. Et d'abord ceux qui viennent du Midi, qui sont forcément des mauvais soldats, qui ne se battent pas avec acharnement et reculent devant l'ennemi. Et cette fausse réputation qu'on leur a faite n'est pas innocente. Dans les sphères supérieures de l'armée et au GQG, le grand quartier général, on n'a pas oublié la révolte des vignerons de 1907 et la fraternisation des soldats du 17e régiment d'infanterie avec les manifestants. Oui. Alors d'où la méfiance vis-à-vis de ces hommes de troupes qui viennent du Midi de la France ? Et au moment où, à cause des fautes de commandement, les poilus devront reculer, il sera tentant d'accabler ces méridionaux, qui d'ailleurs, comme la plupart des soldats mobilisés, ne sont pas partis à la guerre la fleur au fusil, comme on l'a prétendu à tort. Oui, propagande. Bien sûr. Enfin, et j'en aurais terminé avec Joffre, le généralissime est aussi coupable d'aveuglement. Ben, quelle occasion ? Verdun. En dépit des renseignements qui lui sont fournis et de quelques avis autorisés, Joffre ne croit pas que les Allemands attaqueront à Verdun. Pire, il a même donné l'ordre de désarmer les forts qui protègent cette position cruciale. Or, en février 1916, l'ennemi lance une offensive massive justement, à Verdun. Ouais, il faudra une bataille de 300 jours hein, pour briser cette offensive. 300 jours et des centaines de milliers de victimes de part et d'autre, à cause de l'entêtement de Joffre qui n'écoutait que lui-même. Et si vous croyez que je charge exagérément sa barque, sachez que le président de la République, Poincaré, ne l'appelait pas autrement que le dictateur. Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Monsieur X, vous l'avez entendu, n'est guère tendre avec Joseph Joffre qui, c'est vrai, a régné en maître absolu sur l'armée de 1914 à 1916 et a même tenu à distance le pouvoir politique. Mais il y a été aussi encouragé par la ferveur populaire dont il jouissait et qu'il n'a pas manqué d'entretenir. En témoigne cette prière laïque quelque peu ridicule, que j'ai trouvé dans un numéro de 1914 du journal marseillais Le Radical. Notre Joffre, qui êtes au feu, que votre nom soit glorifié, que votre victoire arrive, que votre volonté soit faite sur la terre et dans les airs, donnez-leur aujourd'hui votre point quotidien. Redonnez-nous l'offensive comme vous l'avez donnée à ceux qui nous ont enfoncés. Ne nous laissez pas succomber à la teutonisation, mais délivrez-nous des Boches, ainsi soit-il. J'ai évoqué au début de cet entretien la rigueur avec laquelle le commandement a imposé une discipline de fer. Quitte à inventer toute pièce des manquements à cette discipline. Et même de faux actes de mutinerie qui ont conduit les prétendus coupables au poteau d'exécution. Aussi, il est temps de parler des mutineries de 1917. Et 1917, c'est aussi l'année de la révolution en Russie. Et les chefs de l'armée ont été évidemment tentés d'établir un rapport. Les poilus révoltés auraient été manipulés par la propagande bolchevique. Une accusation reprise, bien entendu, par la presse aux ordres, spécialistes du bourrage de crâne. Mais c'est faux. Ce ne sont pas des militants révolutionnaires qui sont à l'origine de ces mutineries de 1917. Alors quoi ? Non, la fatigue, la lassitude, le dégoût. Et on peut même s'étonner que ces mouvements de rébellion ne se soient pas produits plus tôt, tant les poilus ont souffert et ont été contraints de survivre dans des conditions épouvantables. La meilleure preuve de ce que j'avance, c'est qu'en 1917, ce sont les éléments les plus valeureux qui se sont parfois soulevés. Je vous donnerai qu'un exemple, celui du 2e bataillon du 23e régiment d'infanterie. Mais je vous écoute. Au début du mois de mai 1917, ce régiment vient de recevoir la fourragère avec une magnifique citation pour récompenser ses brillants faits d'armes. Et pourtant, ce sont ces mêmes hommes des durs à cuire qui vont soudain s'enflammer et violemment huer leur général, un certain Bulot. Et on est alors au lendemain de l'offensive désastreuse du général Nivelle sur le chemin des Dames. Et le 23e en était. C'est ce qui lui a valu la fourragère. Mais à quel prix ? Des pertes considérables. Et le premier mouvement de révolte naît de cette gabegie en vis humaine. Les poilus ne veulent plus de ces offensives meurtrières, mais inutiles. En outre, ces hommes, ceux du 23e, ont à peine le temps de se reposer. Déjà, on leur demande de remonter en ligne. Et là, c'est l'explosion. En effet, ces braves ont le sentiment d'être traités avec mépris par une hiérarchie qui les oblige à marcher grâce à des coups de gueule et les fait trimer sans cesse. Même le jour de la Pentecôte, ce Bulot entend commander des exercices. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. J'ajoute, et ça compte, que les poilus voient rarement leurs généraux en première ligne. Bien au contraire, ils restent à l'arrière, tandis que les hommes de troupes se font massacrer en première ligne. Ouais, les généraux, des embusqués en somme. C'est ce que pensent les poilus, qui ne sont commandés au combat que par des officiers subalternes. Et quelle a été la véritable importance de ces mutineries ? En juin, paroxysme de ces mouvements de révolte, 68 divisions sur 100 sont touchées. Au total, on compte entre 30 et 40 000 mutins. Ce qui suscite les plus vives inquiétudes. Il faut reconnaître que c'est Pétain, le nouveau généralissime, qui réussira à apaiser la situation. Il y aura quand même une sévère répression. J'ai le bilan, là. Attendez. 3500 condamnations ont été prononcées par les conseils de guerre. Pour 1381, elles ont débouché sur de longues peines de travaux forcés ou de prison. Mais il y a eu aussi 554 condamnations à mort, dont 49 ont été effectives. Et parmi celles-là, 26 pour actes de rébellion collective. Des chiffres à rapprocher des 200 exécutions de 1914 et des 260 exécutions de 1915. Alors, c'est vrai, vous avez raison, on a effectivement plus fusillé au début de la guerre qu'en 1917. Il faut aussi observer que les Anglais ont fusillé 306 de leurs soldats et les Italiens 750. Quant aux Allemands, également concernés par ce mouvement de mutinerie, ils exécuteront 48 hommes. Cependant, pour terminer, je voudrais revenir sur les véritables raisons qui ont présidé au déclenchement de la guerre. Des raisons tant politiques qu'économiques. Et pour commencer, il y a la volonté chez les Français et les Allemands de mettre la main sur les richesses extérieures à leur territoire. Oui, les richesses coloniales. Et dans ce domaine, je vous l'ai dit, la France a pris d'avance. Mais en se constituant en seulement quelques décennies un immense empire colonial. Hein. Et l'Allemagne voudrait avoir sa part du gâteau. Ensuite, il y a la montée des nationalismes. Restons de l'autre côté du Rhin. En 1914, l'unité allemande est encore toute neuve. Ah oui, elle a été édifiée par Bismarck au lendemain de la guerre de 1870. Oui, donc elle a encore besoin d'être consolidée. Et une guerre peut être un moyen d'y arriver. Oui. En exacerbant le nationalisme. Bien évidemment. Et en France, alors ? La Troisième République est née dans la douleur sur les décombres de l'Empire. Et elle a mis plusieurs années à s'imposer contre les monarchistes. On va donc faire en sorte de conforter la République en exaltant le patriotisme. C'est l'époque où l'on découvre nos ancêtres, les Gaulois, et où l'on développe le mythe de la revanche. Oui, on rêve de reconquérir l'Alsace et la Lorraine. En tout cas, on fait croire aux Français que cette reconquête est un devoir sacré. Et cette militarisation des esprits commence à l'école, où elle est dispensée par les instituteurs. Oui, ceux qu'on a appelés les hussards noirs de la République. Qui seront par ailleurs d'excellents pédagogues. Mais on a oublié aujourd'hui, on organise dans les écoles, dès les années 1880, des championnats de tir. Alors, on éduque donc les futurs poilus. Ah, tout à fait. Et déjà, on leur met en tête que tôt ou tard, il faudra en découdre avec les Allemands. Alors, notez-le bien que traditionnellement, notre ennemi héréditaire était l'Anglais. Donc, monter, provoquer des nationalismes des deux côtés du Rhin. Et dévoiement du patriotisme. Ça explique aussi pourquoi les poilus des deux camps pourront si longtemps supporter leur misérable sort, sans se révolter. Et les raisons économiques, alors ? Bah, il est bien connu qu'une bonne guerre stimule l'économie et fait la fortune des grands industriels et des marchands de canons. En Allemagne, Krupp a été incontestablement l'un des bénéficiaires du conflit. Et chez nous, pour ne citer qu'eux, André Citroën et Louis Renault ont construit leur succès économique grâce aux commandes de l'État. Mais je vais aller plus loin. Et c'est un aspect qui a été rarement abordé. Ce sont les États-Unis qui ont été les grands gagnants économiques de la guerre de 14-18. Et ça explique aussi pourquoi, en avril 1917, ils vont finir par déclarer la guerre à l'Allemagne. Et ça a peu de choses à voir avec un remerciement tardif adressé à Lafayette. Mais expliquez-moi. Les profits réalisés par les États-Unis commencent dès le début de la Grande Guerre. Grâce aux Américains, en effet, les pays de l'Entente, essentiellement la Grande-Bretagne et la France, peuvent s'approvisionner en énergie, en matières premières, en produits industriels et alimentaires. Un seul chiffre, suffisamment démonstratif. La part des États-Unis dans les importations de la France est multipliée par 8 entre 1913 et 1916. Mais comment payer ? Avec des dollars prêtés justement par les Américains. Ah oui, qui prêtent et qui gagnent donc sur les deux tableaux. C'est cela. Oui. Dès les premières années de guerre, il y en a déjà pour des centaines de millions de dollars. Et lorsque les États-Unis entreront à leur tour en guerre, cette aide américaine augmentera encore et jouera donc un rôle décisif dans la victoire. Les Alliés se verront alors octroyer, à partir d'avril 1917, des prêts dont le montant total dépassera plus de 10 milliards de dollars. Et vous disiez que cette entrée en guerre était inéluctable. Oui, je vais vous expliquer pourquoi. Mais bien entendu, il fallait sauver les apparences. Et on a entendu au Congrès américain de belles et nobles paroles pour justifier cet engagement. J'ai gardé en mémoire celle-ci. L'Amérique doit donner son sang pour les principes qui l'ont fait naître. Ah oui, très beau. Et en réalité ? Bah, les États-Unis ont déclaré la guerre aux puissances de la Triple Alliance, Allemagne, Autriche et Italie, parce que c'était leur intérêt. Je vous ai parlé au début de cet entretien de cette exposition que j'ai eu le privilège de découvrir en avant-première. Eh bien, j'y ai découvert un document très peu connu et proprement stupéfiant. Quoi ? Il s'agit de l'interview en mars 1917 d'un important banquier américain qui a tenu à rester anonyme. Interrogé par le journaliste des Annales, Camille Ferri-Pisani, il y fait montre d'une lucidité et d'un cynisme sans pareil. Et par exemple ? Rassurez-vous, je ne vais pas vous accabler de citations, mais j'ai pris quelques notes. Écoutez ceci, c'est le banquier qui parle. Je pourrais vous confier que lorsqu'un peuple est sur le point de se sentir trop riche, une guerre est nécessaire pour l'arracher à la tentation du bonheur. Mais les idées abstraites ne sont pas mon fort. Je ne connais que les chiffres. J'ignore Lafayette, j'ignore si l'Allemagne a attaqué la première. De l'histoire, je ne retiens que la statistique. Je sais une chose, c'est que la Grande Guerre a quintuplé le chiffre de nos affaires et décuplé nos bénéfices. Et tout ce trafic magnifique, nous l'avons opéré avec les Alliés. On ne peut pas être plus franc. Hein. Et plus loin, ce banquier explique pourquoi son pays va entrer en guerre. Vous nous avez payé partie en or, mais vous nous avez payé aussi avec du papier. Or, vos traites ne vaudront que ce que vaudra votre victoire. Il faut que vous soyez victorieux à tout prix pour faire face à vos engagements. Je vois plus loin encore. Il vous faudra reconstruire tout ce qui a été détruit. Cet argent que nous avons gagné sur vous, nous vous le prêterons pour relever vos villes, pour rebâtir vos fabriques, pour créer à nouveau votre existence économique. Un beau champ s'offre là pour nos placements futurs. Mais ce champ ne sera profitable que si vous triomphez avant l'épuisement complet. Voilà pourquoi nous voulons votre victoire rapide. L'Union vous aidera. Nous vous aiderons plus encore que vous ne le pensez. Nous enverrons des volontaires, nous voterons le service militaire obligatoire et nous augmenterons encore notre production en obus, en canons. Et effectivement, tout se passera comme l'indique cet influent banquier. Hein. Exactement. À partir du mois de juin 1917, près de 2 millions de soldats américains vont débarquer par vagues successives. Mais comme nous, Européens, n'avons pas l'exclusivité du soldat chair à canon, plus de 110 000 ne reviendront pas chez eux. L'exposition « Entre les lignes et les tranchées » ouvrira ses portes le 9 avril prochain au Musée des Lettres et Manuscrits à Paris et simultanément paraîtra un beau livre publié chez Gallimard et écrit par Jean-Pierre Guénaud. Un samedi prochain sur franceinter.fr, vous pourrez réécouter cette émission ou communiquer avec nous. Une émission qui a été préparée par Rebecca de Nantes, réalisée par Michel Billou avec l'assistance de Philippe Duclos et mise en musique très ironiquement par Monsieur Joub. Et tout de suite après le flash CO2, mon amour de Denis Chessou.